Tant de charrettes sont passées devant la porte un matin. Il était vieux, il me parlait devant sa porte un matin. As-tu jus de juif demandé l'estac qui nous retient? Si nous ne pouvons le briser, jamais nous n'irons plus loin. Si nous tirons, il va tomber, c'est sûr, ça ne peut pas durer. C'est sûr, il tombe, tombe, tombe, il est déjà bien penché. Si je tire fort par ici, et si tu tires fort aussi, c'est sûr, il tombe, tombe, tombe, comme un jour la liberté. Depuis toujours, depuis longtemps, on s'y écorche les mains. Et l'on se dit de temps en temps que l'on s'est battu pour rien. Si la force vient à manquer, si ce sont que les plus forts, notre combat doit continuer et nous chanterons encore. Si nous tirons, il va tomber, c'est sûr, ça ne peut pas durer. C'est sûr, il tombe, tombe, tombe, il est déjà bien penché. Si je tire fort par ici, et si tu tires fort aussi, c'est sûr, il tombe, tombe, tombe, comme un jour la liberté. Un jour le vieux fit silence, un vent mauvais l'emporta. Devant sa porte, je pense que lui seul sait où il va. Mais d'autres enfants viennent qui vont se mettre à chanter cette chanson qui fut sienne, cette chanson qui disait: si nous tirons, il va tomber, c'est sûr, ça ne peut pas durer. C'est sûr, il tombe, tombe, tombe, il est déjà bien penché. Si je tire fort par ici, et si vous tirez tous aussi, c'est sûr, il tombe, tombe.